suis-je? Je m'interroge depuis la cour d'école. Mes biscuits, je les donne. Je reste disponible pour mes potes. Je reste à l'écart et j'observe. Ma daronne est fatiguée, je bois les grosses cernes. J'ai les yeux noisettes, je suis ce petit brun. Je trague les demoiselles, style petit prince. Après l'école, je traîne, je cours le risque de voir mon daron courir avec un tournevis. Mes parents sont parfaits, ils se donnent du mal. Jamais je ramènerai les keufs à 6h du mat. Je reste seul, je reste dans mon coin. Je fais mon premier billet, je le serre dans mon poing. J'apprends à être à l'heure la politesse d'emblée. Ma petite sœur grandit à vitesse grand V. Qui suis-je? Hein? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours, le même, toujours, les, mêmes toujours principes, les mêmes principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes potes, c'est peut-être un signe. Qui suis-je? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours, le même, toujours les mêmes toujours principes, les mêmes principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes potes, c'est peut-être un signe. Qui suis-je? Je m'interroge, j'arrive en banlieue ouest. Yveline, je veux pas d'embrouille, mais je ramène mon équipe quand je le souhaite. Je suis dans ma clique et j'observe. Dans ma classe, on se clash avec des types des Hauts-de-Seine. J'ai les yeux noisettes, je suis ce petit brun. J'ai dragué cette demoiselle quand j'ai pris le train. Après l'école, je traîne, je raquette pas. Tu peux sortir ton téléphone, t'inquiète pas. Je vis chez ma tante au quartier des briques rouges. Je suis dans la file d'attente et dans les petites bourges. Ma daronne pense que tout se passe bien. Je suis en galère, j'appelle mon cousin, bouge pas, je viens. Toujours le même délire, je reste à l'écart. Je me réveille à cause de Céline qui lève la bécane. Qui suis-je? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours, le même, toujours les mêmes toujours principes, les principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes potes, c'est peut-être un signe. Qui suis-je? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours, le même, toujours les mêmes toujours principes, les mêmes principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes potes, c'est peut-être un signe. Qui suis-je? Je m'interroge, pourtant je grandis vite. Litige. Dans ma tête c'est le bordel comme dans le 18. Oui, j'ai perdu mes larmes à tes obsèques. La daronne est fatiguée, je vois ses grosses cernes. J'ai plus les yeux noisettes, ils sont rougeants. Je m'entourais de personne, ils sont tous chiants. Après le taf, je traîne, je regarde le ciel. Des fois j'ai trop la haine, je roule et je frappe le siège. Bon, je me calme et puis je monte l'exemple. Tout s'écroule comme pour le 11 septembre. Désormais j'ai mental de fer. C'est plus est-ce qu'on pourra, c'est on va le faire. Je suis toujours le même depuis la grande section. Je me pose toujours autant de questions. Qui suis-je? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours, le même, toujours les mêmes toujours principes, les principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes potes, c'est peut-être un signe. Qui suis-je? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Des bonnes questions. Qui suis-je? Je me le demande depuis la grande section. Toujours le même, toujours les mêmes toujours principes, les mêmes principes, toujours le même train de vie, toujours les mêmes.